Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission Albander, le rendez-vous métal du dimanche soir sur les ondes de Radio Béton, les ondes du 93.6. On est ensemble pour une nouvelle émission enregistrée un peu plus tôt dans la semaine. Nouvelle émission avec pas mal de nouveautés, notamment du côté de l'aspect française, avec un peu pêle-mêle, hein, Fardeau, Cohésion. Et au niveau de la diff internationale, les nouvelles sorties studio de Fatuous Romp, Enforcer ou encore Blaze of Sorrow. Voilà, on aura l'occasion de s'égrener tout ça tout au long de la diff de ce soir. A noter une ouverture d'émission identique à celle de la semaine dernière, tout en puissance et venue des États-Unis. Enforced tout d'abord, excellente sortie trash crossover. Avec un nouvel effort studio intitulé War Remains. On est sur un truc qui déboule à 100 à l'heure, hein, 2 ans à peu près, après le très très bon Kill Grid. 10 titres pour une bonne trentaine de minutes, voilà, un sérieux prétendant au titre tout simplement du disc thrash de l'année 2023. Et un doublette lyricain de Philadelphie, Jesus Peace. Excellent groupe qui nous sort un putain d'album hardcore plus, hein, au passage une sortie chez Century Media. 10 titres pour à peine 30 minutes cette fois. Voilà, une doublette qui permet de démarrer l'émission sur les chapeaux de roue. Donc Enforced, le titre The Quickening, Jesus Peace, le titre Fear of Failure, extrait de l'album So Unknown. C'est parti et bienvenue dans l'émission. We'll be right back. La doublette suivante nous permet d'intégrer la première nouveauté de l'émission de ce soir. Enforcer, le groupe de Revival, Revival Heavy Speed. Putain, je suis bien fatigué, je mélange déjà les mots. Le groupe de Revival Heavy venu de Suède qui sort son 6ème effort studio chez Nuclear Blast, hein, bientôt 20 ans d'existence. Un album bien rempli, 12 titres, des morceaux plutôt courts, on en a qu'un seul qui dépasse les 4 minutes. C'est catchy, tubesque et bien efficace, et puis à noter qu'Enforcer sera présent en tant que tête d'affiche dans le cadre du prochain Anthem of Steel. Excellent petit festoche old school, heavy, revival, trash, death black, du côté de Poitiers. Et en doublette, on retrouvera le All-Star Band Solan Varma, venu d'Islande, avec des membres de Svartidauði, Mysperming et autres. On a déjà largement présenté ce projet, qui à l'origine n'était qu'un one-shot, dans le cadre du bien connu et célèbre festival hollandais Roadburn, voilà, en 2018. Enforcer Kiss of Death, en toute sobriété, extrait de l'album Nostalgia, Solan Varma, Avril Boy 11, extrait de l'album Solan Varma, une sortie Van Records. C'est parti. Why have always fucked said you? It's not invited guests. Crown the wing, you're wearing. une doublette extrême venue d'Allemagne, ensuite Stillbirth, Holy Moses, tout d'abord le groupe de Brutal Surfing Slam qui nous sort un nouvel effort studio South Red and Disembowled, une sortie sur le label de Maurizio Iacono de Cataclysm. L'album s'intitule donc Homo Deus, et ensuite les vétérans du Thrash Death venus d'Allemagne, Holy Moses, qui prennent leur retraite, encore un album et quelques lives, et puis ça sera fini de la belle carrière. Invisible Queen, l'album est déjà dispo, et on s'écoutera le titre The New Norm, Stillbirth, Holy Moses, c'est parti. We're Une doublette atypique, ensuite Outlaw et Smolder. Qu'est-ce qu'on peut dire sur ces deux formations? Tout d'abord, Outlaw. On est sur du black qui nous vient de Sao Paulo au Brésil. Voilà, une sortie sur le label Art of Propaganda Records. On est sur du black bien inspiré par la scène scandinave des années 90, plus précisément Vatain, et oui pour une fois c'est pas Dissection, même si bon, ils sont jamais très loin derrière, c'est à la fois agressif et en même temps hyper soigné. Et Smolder, groupe de Heavy qui nous vient du Canada, voilà une formation qui nous vient d'Amérique mais du Brésil et du Canada. La formation cependant Smolder vit maintenant en Finlande et ça se ressent d'ailleurs dans leurs inspirations musicales, notamment au niveau du riffing, petite touche doom à la sauce Candlemass et même Swedish Melodeath. Voilà donc pour la présentation de la doublette suivante. Outlaws, Serpent's Chant, extrait de l'album Reaching Beyond Ashia. Smolder, le titre Spellforger, extrait de l'excellent Violent Creed of Vengeance. C'est parti. Double Etriken encore, c'est vrai que pas mal de formations américaines ces derniers temps. Une doublette même californienne avec tout d'abord Drain, l'excellent groupe de crossover hardcore trashisant hein, qui nous sort là son nouvel effort studio sur le très gros label punk rock Epitaph Records. 10 titres où on est autour de 2 minutes en moyenne, hein, ça va chercher dans le vieux hardcore des éléments un peu plus trash ou même punk rock plus actuel. Au niveau du line-up, on retrouve le vocaliste et le batteur qui sont passés au sein de l'excellente formation de hardcore bien vénère Gulch. Sa dernière ayant splitté, voilà, c'est l'occasion de relancer Drain. Et ensuite, la petite perle du mois sortie chez Tony Buckspin Records, Voice Ceremony, on est sur du Progressive Tech Death. 6 titres pour à peu près 35 minutes. On est sur un death à la fois brutal, très très très chaotique, hein, hyper travaillé, à la sauce Blood Incantation par exemple. Et voilà, une putain de maîtrise technique de la part de l'ensemble des icos de Void Ceremony. Au niveau des morceaux qu'on s'écoute, Drain, le titre Watch Your Burn, extrait d'album Living Proof, Void Ceremony, Rethink in the Facade of Time, extrait d'album Threads of Unknowing, c'est parti. We'll be right back. Et vous êtes toujours bien à l'écoute d'Hellbanger, l'émission métal du dimanche soir sur les ondes de Radio Béton, les ondes du 93.6. Et c'est déjà l'heure d'attaquer l'aspect française avec une ouverture de cet aspect hexagonal, une première nouveauté, Fardeau. On est sur du black metal qui nous vient de la région lilloise, on est même sur de l'avant-garde black metal pour être plus précis. Au premier nom des références, on retrouve Despel Omega et même Aosos. On est sur un black dissonant, menaçant, très étouffant, avec une identité musicale bien marquée. Au niveau du line-up, on peut noter la présence de l'infatigable Matraque, bien sûr actuel batteur chez Dark All Slaves et autres sublimes cadavériques des compositions, qui fait régulièrement des sessions sur le groupe de Slam Death Sinopas. Voilà, le groupe venu de Turquie. Voilà, ce qui donne même une petite touche Brutal Death dans les parties de batte pour Fardeau. Et en doublette, le duo Grindcore venu de Lyon, Warfuck, actif depuis une douzaine d'années, qui nous sort là, 5 ans après, un nouvel effort de putain de Grind Death Power Violence, 19 titres pour 23 minutes, rien de plus à dire. Et le line-up, bien sûr, n'a pas évolué depuis la formation du projet. Fardeau, le titre Traitor, extrait de l'album The Den Has Become an Abyss. Warfuck ensuite, Inyolve Unlockly, extrait de l'album Diptych, et c'est toujours sorti chez Lixiviat Records. Yes.